Dans mon sommeil, le soir venu, ce sont les corbeaux croassants rôdant sur ma tombe nue. Viens rejoindre mon tombeau, je t'attends, jeune homme. Entre dans mon tombeau, ce qui me reste en somme. Et la nuit, dans le cimetière, je sens des êtres sortir de terre. Non, nous ne sommes pas éphémères, et nous n'avons cure de vos prières. Viens rejoindre mon tombeau, je t'attends, jeune homme. Entre dans mon tombeau, ce qui me reste en somme. Ma beauté reconnue n'est que souvenir, et je sombre inconnu à mon tour de périr. À mon tour de périr. Puisque le parfum de la vie te retient, je te montrerai l'odeur de la mort cachée partout. Des petits seins que tu pries encore et encore. Mon amour quitte cette terre, Dieu n'est plus ton père. Je me tue à te dire de mourir, mon ange, mon vampire. Viens rejoindre mon tombeau, je t'attends, jeune homme. Entre dans mon tombeau, ce qui me reste en somme. Cadavre en putréfaction, pourri, dévoré par les vers, je suis en décomposition, enterré, vivant sous terre. Viens rejoindre mon tombeau, je t'attends, jeune homme. Dans mon tombeau, ce qui me reste en soi.